Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Nous sommes le mardi 9 mars 2021, il est un peu plus de 14h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Gamozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Antoine Villoutret, artiste et chanteur, qui a accepté de nous parler de son album sorti le 5 février dernier. Il y a donc un peu plus d'un mois, album intitulé Promenade. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ok, nickel. Du coup, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués désormais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Antoine Dujoutré, je suis basé à Berlin et je fais de la chanson, en français mais pas seulement. Et j'ai sorti un nouvel album qui s'appelle Promenade. D'accord. Donc, comme annoncé en introduction, nous sommes ici aujourd'hui en ce 9 mars 2021 pour parler de votre tout nouvel album sorti il y a un peu plus d'un mois, donc Promenade. Mais nous n'allons pas parler que de ça, évidemment, nous allons parler également de votre carrière en général. Depuis quand chantez-vous? Depuis à peu près une toute dizaine d'années. D'accord. Je dirais même un peu plus. C'est vrai que j'ai d'abord commencé à Paris avec un premier groupe. D'accord. Et ensuite, quelques années plus tard, je suis parti à Berlin où là j'ai commencé en solo, sous mon nom. Parce que du coup, je faisais l'aller-retour avec Paris et puis plus que je me suis installé à Berlin, ensuite c'était plus compliqué. Et donc j'ai commencé à écrire des chansons et à me produire sous mon nom. D'abord sur des petites scènes à Berlin, puis après... Je suis revenu jouer en France aussi, donc un peu partout. Et puis j'ai fait 3 albums. C'est mon nom, voilà, ça c'est le 3e. D'accord. Donc, oui, donc j'allais vous demander si cet album Promenade était votre tout premier projet artistique, mais vous, du coup, non. Donc, vous avez. Non, c'est le 3e, c'est ça. Trois albums. Est-ce que vous avez également ce qu'on appelle des EP ou des LP? Alors, LP, c'est des vinyles, hein, si je m'abuse. C'est ça, hein. Du coup, moi, c'est le format vinyle. Du coup, sur les 2 derniers albums, on a pu faire un pressage vinyle. D'accord. Donc ça, c'est super. Donc là, même sur le dernier, il y a un double vinyle qu'on peut commander partout sur Internet. Voilà. Ok. Donc, pour parler un petit peu de votre style musical, vous mélangez chanson et folk qui côtoient l'énergie explosive du swing. C'est bien ça? Eh bah, ben ouais, c'est une bonne description. Donc, dans votre univers musical, nous retrouvons également, je cite, une atmosphère intimiste. Qu'entendez-vous par là? Intimiste, je pense que c'est plutôt le rapport à l'auditeur, en fait, d'avoir juste parfois une guitare, une voix ou un violoncelle, très peu d'éléments qui font qu'ensuite on peut créer une ambiance très proche, en fait. On a l'impression d'être l'un à côté de l'autre. Ou, voilà. D'accord. Vos textes, vos chansons racontent tous des histoires touchantes, parfois mélancoliques, qui font vibrer et rêver. Je suppose que c'est important pour vous de raconter des histoires touchantes, parfois mélancoliques. Oui, bah, c'est vrai qu'on choisit pas trop. Parfois on est inspiré et puis on a tel ou tel genre de texte qui apparaît. Donc c'est souvent en fait les hasards de l'inspiration en fait qui font qu'on choisit tel ou tel thème. D'accord. Donc avant de parler plus en détail de votre album Promenade, sorti donc je le rappelle le 5 février dernier, c'est bien ça? C'est ça. Donc je vous propose de nous lancer dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier son, et donc tiré de votre album, et que nous écoutions le titre Le Jardin Municipal. Le Jardin Municipal étant d'ailleurs le premier des 15 titres de cet album, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, c'est le morceau qui ouvre l'album. D'accord. Et voilà, du coup voilà, bonne écoute. Donc est-ce que ça vous va qu'on écoute ça? Oui tout à fait, c'est super. Ok, donc on écoute Le Jardin Municipal et on se retrouve d'ici quelques minutes. Donc à tout de suite. À tout de suite. L'utilisation de son visuel pour la conception de l'affiche du 11e festival Clap Clap de Nancy. L'auteur sera crédité sur... Thank you. jardin municipal. L'automne prend doucement ses quartiers et les feuilles des arbres s'étalent un peu partout sur les graviers. Dans le jardin municipal, le dimanche on vient se promener et près des poussettes familiales, les petits font la course pour jouer. Papada, dans le jardin municipal, le temps semble s'être arrêté. Papada, dans le jardin municipal, on y vient hiver comme été. Dans le jardin municipal, des touristes se prennent en photo pendant que des pigeons un peu sales les dévisagent de bas en haut. Dans le jardin municipal, un orchestre bat la mesure et dans cette ambiance musicale, son usure. Papada, dans le jardin municipal, le temps semble s'être arrêté. Papada, dans le jardin municipal, on y vient hiver comme été. Allez, souhait. Jardin municipal, le temps semble s'être arrêté. Papada, dans le jardin municipal, on y vient hiver comme été. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. Vous venez d'écouter Antoine Villoutret et son titre tiré de son nouvel album Promenade, chanson intitulée Le Jardin Municipal. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route, si c'est le cas, évidemment. Soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Antoine Villoutret, justement, qui est venu nous parler de son tout nouvel album et de sa carrière musicale. Ça va toujours ? Ça va bien, merci. D'ailleurs, très bien. Du coup, d'ailleurs, pourquoi avoir intitulé votre album Promenade ? Eh ben, parce que justement, actuellement, là, je suis en train de faire une petite promenade dans un parc à Berlin. Donc, c'est exactement ça, c'est ce sentiment de pouvoir se promener et puis prendre l'air. Prendre l'air tout simplement, aller rêver, réfléchir, prendre un peu de recul. Pour moi, c'est ça, cet album. D'accord, oui, donc vous aviez une certaine volonté de faire en sorte que ceux qui vous écoutent puissent écouter votre album tout en se promenant en forêt ou dans un parc. Ou même musicalement, tout simplement, hein, que la musique les transporte même à la maison, en fait. Hein, mais c'est un peu la magie de la musique, quoi. Elle peut. Voilà, c'est un petit voyage, une petite promenade. D'accord. Donc, pour un petit peu approfondir une de mes questions précédentes, dans votre album, vous mélangez plusieurs styles musicaux, donc chansons, swing, folk, rock, country ou encore rocksteady. Pourquoi avoir choisi de réaliser des chansons avec tous ces différents styles ? Est-ce qu'il y avait une intention particulière ou est-ce que ça s'est fait comme ça ? Ouais, ça s'est fait un peu comme ça, parce que finalement, moi, j'aime bien quand j'écris des chansons me laisser pas mal de liberté ensuite sur les arrangements. Et c'est vrai que parfois, voilà, il y a certains thèmes, ils se prêtent à un morceau plus rock, d'autres thèmes peut-être à un rythme plus enjoué. Donc c'est un peu le thème et l'intention qui décide ensuite de ça, de quelle direction musicale. D'accord. Donc si certains de nos auditeurs ou certaines de nos auditrices se posent la question, quelle est la différence entre le rock et le rocksteady ? Ah, alors rocksteady ou ska finalement, c'est une musique... qu'on appelle en off-beat, donc c'est c'est en contre-temps, donc qui a amené aussi le reggae plus tard, et voilà, c'est juste une musique en contre-temps, et le rock par contre, bah voilà, c'est ce qu'on, je pense que tout le monde connaît le rock, voilà, c'est la différence. D'accord. Avez-vous un style que vous préférez jouer, que vous préférez chanter ou pas? Moi, c'est surtout le texte, en fait, hein, j'aime bien, en fait, me laisser porter par le texte et ensuite la musique porte le texte, en fait, donc c'est comme ça que je le vois. Donc c'est vrai que moi, c'est souvent les textes qui m'emmènent, voilà, qui me transportent quand je suis sur scène ou quand je suis dans un studio pour enregistrer. Voilà, c'est le texte avant tout. D'accord. Donc d'ailleurs, cet album Promenade, vous l'avez enregistré dans un studio en Allemagne ? Tout à fait, ouais. Moi, je suis basé à Berlin depuis pas mal d'années. D'accord. Et j'ai enregistré ça dans un studio qui s'appelle Nadanadi Studio et qui est un studio, voilà, où qui est très, où on peut se mettre au calme, où on peut bien travailler. Et donc, j'avais vraiment un lieu super pour aller enregistrer. Et mais par contre, on a tout enregistré avant le début du confinement en mars dernier. Donc, on avait déjà tout enregistré. D'accord. Donc, là, de ce point de vue-là, on a eu de la chance parce que du coup, on avait déjà la production qui était terminée. Et puis l'année dernière, on a surtout fait la pochette, terminer pas mal de choses de définition un peu quoi. D'accord. Donc là, il y a quelques secondes, quelques minutes, vous parliez de que c'était surtout les textes qui vous faisaient vous promener, qui vous parlaient. Donc les thématiques justement de ces textes, de ces titres, empruntent également différents chemins, donc comme on pourrait faire dans une promenade. Chemin bucolique pour vos titres, Le Jardin Municipal que nous venons d'écouter, et pour Regenschirm, que l'on pourrait traduire en français par parapluie, ou alors des thématiques plus profonds, plus sombres, pour vos titres Gris et Le Vacarme, mais aussi contemplatif avec La Falaise, que nous écouterons un peu plus tard. Vous vous inspirez même d'histoires du quotidien avec votre titre La Chambre. Vous jouez également avec les mots avec votre titre Le Capitaine. Et enfin, vous réalisez des titres en langue étrangère comme Que posso fare, que l'on pourrait traduire par Que puis-je faire, et que nous écouterons également un peu plus tard, ou encore avec Waiting for a Sign, que l'on peut traduire par En attente d'un signe, pardon. Donc pourquoi avoir pris la décision d'emprunter au travers de vos titres ces différents chemins ? Oui, c'est vraiment comme je vous disais, là, une première phrase, une première intention, une inspiration. Et moi, c'est vrai que vu que je parle plusieurs langues, bah, j'ai parfois même ces phrases-là dans d'autres langues. Donc par exemple, Waiting for a Sign, bah, c'était une expression que j'aimais bien. Et du coup, après, j'en ai écrit un texte tout autour de cette expression. Donc c'est... Voilà, c'est vraiment la première étincelle qui fait ensuite qui va décider quelle direction musicale, quel type de texte et quelle langue même. Donc voilà, c'est assez varié en fait, quand j'écris. D'accord. Donc justement, comme vous dites, vous parlez plusieurs langues, donc l'italien comme pour Che posso fare, ou encore Waiting for a Sign, donc de l'anglais, ou encore Regenschirm, l'allemand. Donc dans ces titres, avec des titres justement étrangers, est-ce que vous chantez totalement en étranger ou est-ce que vous mélangez l'italien et le français, l'anglais et le français, l'allemand et le français, ou est-ce que c'est juste tout de l'étranger ? Alors ben, c'est vrai que moi j'ai un peu une dimension un peu européenne dans mon approche de ma musique, de dire que vu que je parle les langues de plusieurs pays d'Europe, et ben ça m'amuse de mélanger en fait, de créer des nouvelles choses. D'accord. Et ben par exemple l'italien, je suis allé souvent jouer en Italie et c'est un pays que j'adore et j'ai des amis là-bas. Et c'est vrai que ben, je parle pas italien, mais je connais juste quelques phrases. Et c'est vrai que posso fare, c'était vraiment qu'est-ce que je peux faire, et c'était un peu une question qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle pour se rassembler, pour se rapprocher. Et, bon, c'était avant bien sûr à la pandémie, mais c'était sur cette idée-là toujours d'essayer de rapprocher, créer des ponts. Donc dès que je peux, j'essaie de créer des ponts entre les cultures, et donc j'hésite pas à mélanger des langues même dans un texte en fait. Voilà. Donc je ne m'interdis rien. D'accord, oui, donc c'est une certaine originalité quelque part de mélanger l'anglais et l'allemand, le français et l'allemand, le français et l'anglais, le français et l'italien. C'est vrai, alors sachant que moi je viens quand même de la chanson française à la base, j'ai grandi en écoutant beaucoup de chansons françaises, et c'est après en fait quand j'ai commencé à apprendre des langues que je me suis juste dit que en fait les langues c'était de la musique en fait, et c'est vrai qu'en France même il y a même des langues ou des patois locaux par exemple qui ont existé ou qui existent, et parfois on oublie ça, mais il y a plein de langues en fait qui existent partout et qui sont une grande richesse en fait, et donc je pense que c'est aussi mettre en avant ça quoi, le fait de dire faut pas rester bloqué sur une seule chose, on peut aussi ouvrir et voir aussi les influences des langues les unes avec les autres, parce que par exemple le mot promenade, mm-hmm. c'est dit aussi en allemand en fait. Alors, en allemand on dit promenade, et c'est le même mot qui veut dire à peu près la même chose, mais c'est une grande avenue, une grande allée où on va marcher, on va se promener. Donc, j'ai trouvé ça rigolo qu'il y ait certains mots même qui soient les mêmes dans différentes langues, en fait. D'accord. Donc, dans vos titres, justement, vous êtes accompagné de ce que vous appelez votre trio de scène, donc guitare électrique, contrebasse et batterie. Ces trois instruments, sont-ils des instruments qui vous parlent particulièrement, ou peut-être que vous jouez de ces instruments, ou est-ce que c'était pour une toute autre raison que vous avez décidé d'inclure la guitare électrique, la contrebasse et la batterie? Oui, bah alors moi-même, je joue aussi de la guitare. D'accord. J'ai une forte affinité pour cet instrument. Et j'ai joué avec un guitariste allemand qui s'appelle Carsten Lipp, dont j'adore le jeu. Pour moi, c'était vraiment une évidence de jouer avec lui. Et puis après, contrebasse, batterie, bah, c'est vraiment des instruments... le contrebassiste joue aussi de la basse électrique, hein, parfois. D'accord. Mais c'est vraiment l'idée du groove basse-batterie qui amène toujours un côté un peu dansant, un peu rythmé, quoi. Donc... C'est un peu les deux dimensions, quoi, très mélodique et puis aussi un peu rythmé. Oui, donc on retrouve ici vraiment le mélange de différents styles musicaux dans vos titres. C'est ça, et aussi, bah, par exemple, sur l'album, il y a du violoncelle, j'aime beaucoup d'autres types d'instruments, mais c'est vrai que sur scène, on ne peut pas non plus toujours ramener beaucoup de... Enfin, voilà, faire tout un orchestre, mais c'est à ça que servent les albums aussi, et donc c'est vrai que j'étais bien content de pouvoir inviter beaucoup de monde là, sur l'album, en plus du trio de scène avec qui je joue depuis pas mal d'années. D'accord. Vous êtes également accompagné dans votre album d'autres artistes, ou même dans votre carrière musicale. On peut citer notamment Maxime Illion des Beluga, ou encore du violoncelliste Mathieu Saglio. Maxime Illion et Mathieu Saglio sont-ils des amis à vous, ou est-ce que ce sont deux artistes dont vous admirez le travail? Alors c'est vrai que des rencontres avec des musiciens, c'est toujours très différent. Par exemple, Maximilian, donc c'est un producteur de musique plutôt new jazz, et lui, en fait, on s'était rencontré sur mon album d'avant, où en fait, il avait fait un remix d'un de mes morceaux. D'accord. Et ensuite, on a fait un morceau en studio ensemble, qui s'appelle donc La Falaise, et qui s'est retrouvé du coup sur l'album. J'ai aussi invité des gens de la scène swing à Berlin, par exemple, un groupe qui s'appelle Trio Neuberg, qui est aussi donc très valse, musette. Parce que j'avais envie d'avoir ce son-là aussi. Et puis, Mathieu Saglio, c'est rigolo, donc lui, c'est mon cousin, en fait. Et il était de passage à Berlin, et donc je lui ai dit, est-ce que tu serais intéressant, est-ce que ça te dirait d'enregistrer sur un morceau, parce que j'adore... On avait fait sur mon premier album, il était sur Val avec moi. Et puis là, du coup, je voulais faire un peu un petit clin d'œil, en fait, en l'invitant sur l'album, et donc il m'a fait le grand honneur d'accepter d'être sur Le Capitaine, le morceau Le Capitaine. Et donc voilà, moi c'est vraiment comme vous disiez, quoi, soit des amitiés, mais aussi des rencontres, des affinités. C'est incroyable pour ça, je trouve, parce qu'on peut et on a l'impression de se connaître depuis toujours, alors que parfois il suffit d'avoir joué une fois sur scène ensemble et on se connaît trop bien, voilà. D'accord. Oui, donc Maxime Illion et Mathieu Saglio, on les retrouve justement sur cet album Promenade. Tout à fait. À côté de pas mal d'autres artistes aussi, musiciens. Voilà, faut vraiment écouter l'album, il y a beaucoup de couleurs musicales sur cet album. D'accord, ok. Donc avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer dans une deuxième fréquence, dans un deuxième son, dans un deuxième titre tiré de votre album Promenade, et que nous écoutions le titre numéro 5 de votre album intitulé La Falaise. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Ok, donc on s'écoute La Falaise et on se retrouve d'ici quelques minutes, donc du coup juste après ce titre. À tout de suite. Devant l'horizon qui apaise, à rêver. La tête posée sur mon épaule, on se réveille à tour de rôle, pour veiller. Les vagues nous bercent vers la nuit bleue. Tous les deux à rêver. On s'imagine des lendemains incertains, incertains. Le vent qui siffle dans nos oreilles apporte des nouvelles de la veille qui se meurt. Les vagues se perdent dans la nuit bleue. On reste assis là tous les deux, à rêver, à rêver. Assis au bord de la falaise, devant l'horizon qui apaise, à rêver, à rêver. Retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. Il est 14h23. Vous venez d'écouter Antoine Villoutret avec son titre La Falaise. Nous, nous sommes en France, Antoine Villoutret en Allemagne. Donc, comme quoi, avec les nouvelles technologies, on peut faire plein de choses. Nous sommes toujours en compagnie, du coup, par téléphone de Antoine Villoutret, justement, qui est venu nous parler de son tout nouvel album Promenade, sorti le 5 février dernier. Ça va toujours ? Ça va très bien. Nickel. Du coup, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais je tenais quand même à remercier Charlotte de VSCOM, car c'est grâce à elle que nous sommes entrés en contact. Tout à fait. Donc, bon, bah, très remarquable. Oui, c'est vrai. Donc merci, merci à elle. Ensuite, donc, on va reprendre le fil de cette émission. Vous êtes également considéré par les médias ou même par ceux qui vous écoutent comme un chanteur à texte, un chanteur qui passe de réels messages dans ses titres. C'est, du coup, cette dénomination de chanteur à texte, est-elle importante pour vous ? C'est pas qu'elle est importante, mais c'est vrai que... Bah après, c'est pas trop ce que ça veut dire, chanteur à texte, parce que finalement, tous les chanteurs ont un texte, mais c'est plutôt en fait de dire qu'on... Voilà, qu'on aime la poésie, qu'on aime l'écriture, en fait, quoi. Et, voilà, si c'est pensé comme ça, alors oui. D'accord. Du coup, je vais piquer une petite question à ma collègue Lia, que je salue. Le jeune Antoine Villoutret voulait-il toujours devenir chanteur ou avait-il une autre ambition quand il était plus jeune ? Alors, je sais pas trop ce que je voulais être, mais c'est vrai que dès que j'ai découvert la guitare et le chant et l'écriture, c'est un peu une passion qui prend de plus en plus de place, en fait, quoi. Ça s'impose tout seul, finalement. Donc, c'est plutôt le temps qu'on accorde à ça, en fait, quoi. Ok. Donc, nous l'avons un petit peu abordé au début de l'émission. Vous êtes, du coup, originaire de Paris, mais vous chantez et vivez à Berlin depuis quelques années, du coup. Donc, le fait de partir habiter à Berlin, était-ce dans le but de faire une carrière dans le monde de la musique là-bas, ou était-ce pour une toute autre raison ? Alors j'ai fait des études, j'ai pu faire un échange avec à Berlin, et ensuite je me suis installé là-bas, et c'était un mélange de pas mal de choses, en fait, à la fois personnel et puis aussi de la ville qui m'a beaucoup plu par la liberté qu'elle m'a apporté, de fait d'essayer des choses, et puis de se retrouver à l'étranger. C'est un côté un peu voilà, c'est très nouveau, du coup on a l'impression d'avoir de la nouveauté partout, et moi ça m'a beaucoup plu. Et puis c'est vrai que maintenant j'ai la chance de pouvoir jouer ou être joué à la radio aussi en France, et pas que en Allemagne, entre guillemets. Donc du coup c'est très agréable de pouvoir se dire voilà, on écrit des textes, et puis peu importe l'endroit où on est, on peut être écouté. Et ça c'est la magie des textes et de la musique, en fait, quoi, de pouvoir, justement, on parlait de voyage tout à l'heure, de pouvoir passer les frontières. D'accord. Donc pour vos titres, est-ce que vous avez des inspirations, que ce soit au niveau des chanteurs, chanteuses ou autres? Vous voulez dire en général ou... en général ou même dans votre métier de chanteur, artiste? Bah, moi j'écoute beaucoup de, d'autres artistes et d'autres chanteurs ou chanteuses, et donc je me suis très, je me suis inspiré par beaucoup de choses. Donc c'est vrai que il y a à la fois, bah, il y a toujours un peu les grandes références qu'il faut connaître et qu'on et qui sont voilà, que moi j'écoute toujours avec grand plaisir. Donc là récemment j'ai eu la chance où, qu'on m'invite sur Arte pour faire un petit concert, et on m'a demandé de reprendre quelques chansons. Donc j'ai choisi de reprendre un peu de Brassens, par exemple de Gainsbourg, Barbara aussi. Donc c'est vraiment que des gens qui nous ont inspiré. Quand on écrit, on est forcément inspiré par les grands maîtres comme ça. Et puis après, bah, y a tout ce qui se fait actuellement. Moi j'écoute beaucoup, et c'est vrai que bah, ça peut aller je sais pas, cette semaine j'ai écouté l'Impératrice par exemple pour découvrir leur travail. Je trouvais ça super. Je connais un peu Feu Chatterton en ce moment en France, là je connais le batteur Raphaël. Donc voilà, j'écoute un peu ce qui se fait en France aussi. D'accord. D'ailleurs, dans votre album Promenade, ou Promenade si vous voulez le prononcer à l'allemand, vous avez 4 titres en allemand justement, ou avec quelques paroles en allemand. Le titre numéro 4, donc Regenschirm. Le titre numéro 6, Auf deinen Straßen. Voilà. Le titre numéro 9, Emotionen, et le titre numéro 15, qui est d'ailleurs le dernier titre, enfin un des titres que nous allons... Ah non, qui est, pardon, le numéro 15, donc le dernier titre de l'album, intitulé Die Wellen. Donc, pourquoi avoir pris la décision d'introduire des titres en allemand dans votre album? Était-ce comme pour rendre un hommage, entre guillemets, à votre deuxième pays, qui est l'Allemagne? C'est vrai que... Alors, moi, il y a la question, est-ce qu'il faudrait que je traduise les textes pour la prochaine édition de l'album? C'est quelque chose que je vais peut-être faire, parce qu'on m'a dit très sympa d'avoir les traductions. Et c'est vrai que j'y ai pas trop pensé à ça. Donc, c'est vrai que j'essaie de faire passer, de créer des ponts, en fait, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, en disant, voilà, un chanteur français, il peut aussi chanter en allemand, écrire en allemand. Par exemple, bah, tout le monde connaît Göttingen de Barbara, et c'est vrai que, bah, elle a écrit en Allemagne, ce morceau. Et donc, il y a pas mal d'exemples de gens qui ont aussi écrit dans d'autres langues. Et c'est pas vraiment en fait un calcul, c'est plutôt de dire on a ça à disposition, et on est aussi, bah, on se demande toujours voilà, quel est notre quels sont nos échanges culturels qu'on peut avoir. Donc moi j'avais envie de dire, voilà, comme un petit message, bah, j'écris en allemand, et puis moi c'est quelque chose de très naturel aussi, parce que vu que je viens à Berlin, donc j'ai un quotidien où j'entends souvent parler en allemand, et donc il y a pas mal de phrases que j'entends où je dis, ah, cette phrase elle est intéressante, ou j'ai envie d'utiliser pour un morceau. Donc c'est, voilà, un mélange de plein de choses, mais j'ai envie aussi de, comme je vous disais, de montrer voilà, des choses un peu nouvelles et essayer d'expérimenter. D'accord. Oui, donc comme vous habitez en Allemagne, nous pouvons dire que vous êtes vraiment bilingue français-allemand, du coup. Alors, j'y travaille, mais c'est vrai que quand on y habite depuis pas mal d'années, on finit par avoir un bon niveau. Ouais. Et puis j'ai la chance aussi maintenant d'écrire avec des artistes allemands aussi. Là, par exemple, un auteur qui s'appelle Danny Duke, qui est basé à Berlin, et qui est quelqu'un qui, voilà, qui est très poète, je trouve, et on a fait un morceau ensemble sur un parc de Berlin qui s'appelle Tempelhofer Feld, et qui est un parc qui est assez célèbre parce que c'était voilà, un parc dans Berlin, et qui est un aéroport, et qui est devenu un grand parc, par exemple. Donc voilà, l'inspiration, elle peut être aussi, de, comme je vous disais, de choses qu'on croise au quotidien. Donc là, par exemple, cet énorme parc au milieu de Berlin, où des gens vont se promener, encore une fois. Et voilà, c'est, l'inspiration peut se faire partout. D'accord. Vous avez également déjà eu de nombreux retours de différents médias ou d'infrastructures. Est-ce que vous m'autorisez à en citer quelques-uns de ces avis ou pas? Ah, bah avec plaisir. Très bien. Alors, vous êtes par exemple le coup de cœur des bibliothécaires de la mairie de Paris. Ils ont dit, je cite, « Ce jeune chanteur d'origine parisienne vit et chante à Berlin depuis quelques années. D'une belle voix chaude évoquant Alexis Hachka ou Bertrand Belin, il nous propose ici un très agréable album entre chansons, folk et swing sur de belles mélodies qui restent en tête, entre ironie et mélancolie. » Fin de citation. Vous avez même eu un retour du célèbre magazine Le Parisien, qui a dit, je cite à nouveau, « Ce Parisien d'origine pioche ses aspirations musicales au cœur de la capitale allemande, dans laquelle il vit depuis 10 ans. » Fin de citation. Et on va signer un dernier retour, car comme on dit jamais 203, un dernier des nombreux retours, du coup je devrais même dire, un retour de l'hebdomadaire La Gazette du Val d'Oise, qui a dit, je cite, « Une poésie enjouée où l'on décèle son oreille mélomane et son émotion incarnée. » Fin de citation. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir tous ces nombreux retours? Ah, bah, c'est un grand honneur, et je suis très ému à chaque fois. C'est, parce que c'est vrai qu'on, on écrit les chansons, on sait pas trop pour qui, en fait, hein. Souvent, on est seul quand on écrit une chanson, et puis après, on se dit, bah voilà, on lance une bouteille à la mer, et puis on verra bien. Donc, moi, c'est vrai que, par exemple, quand vous m'avez invité aussi pour l'interview, je suis très honoré, et voilà, que vous me posiez des questions sur mon album. Donc, voilà, moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance, d'avoir, voilà, d'être soutenu, et donc, c'est, merci. De rien, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit, car les invités qu'on reçoit dans nos studios, donc à Radio Guémozo ou par téléphone comme vous actuellement, ne sont pas forcément invités dans d'autres radios. Donc nous avons vraiment cette volonté, du coup, à Radio Guémozo d'inviter des gens qui le méritent et qui n'ont pas forcément l'occasion d'être mis à l'honneur autre part. Donc c'est un plaisir pour nous de recevoir toutes ces personnes. Merci. Avez-vous également déjà eu des retours de magazines ou de revues allemandes ? Oui, alors tout à fait. Ouais. En Allemagne, donc j'ai de la chance aussi que ma musique passe sur des radios nationales aussi. Donc c'était sympa du coup d'avoir sur l'album d'avant, Paris Berlin, on avait fait. Il y a eu pas mal de retours déjà. Et donc voilà, il y a eu. Voilà, c'est très très toujours. Voilà, il se passe toujours quelques petites choses, quoi. Au niveau des médias. D'accord. Donc, avant de poursuivre, il est 14h presque 33. Je vous propose de nous lancer dans une troisième fréquence, dans un troisième son, et que nous écoutions un autre extrait tiré de votre album Promenade, extrait intitulé Che posso fare, que l'on peut traduire en français par Que puis-je faire. Est-ce que ça vous va qu'on écoute ça ? Tout à fait. Très bien. Alors, on écoute ce titre, et on se retrouve juste après, du coup, Che posso fare. Donc, à tout de suite sur nos ondes, le 107 FM. L'univers et c'est possible. Je n'ai retenu que des bribes, mais l'horizon et ses étoiles m'ont poussé à lever les voiles. Che posso fare? Che posso fare? Che posso fare? Che posso fare? J'ai voyagé aux quatre coins de l'Europe, même parfois plus loin. J'ai croisé tant de beaux visages, j'en ai vu mille à chaque voyage. C'est triste hier, tu sais, au moment de voir ta... reviendrai, vite c'est promis. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. Il est 14h37. Vous venez d'écouter Que Posso Fare de Antoine Villoutré. Nous sommes d'ailleurs toujours en compagnie au téléphone de Antoine Villoutré, pardon, qui est venu nous parler de son album sorti le 5 février dernier, intitulé Promenade. Ça va toujours ? Ça va très bien. Ok. Donc oui, donc nos auditeurs, ils nous écoutent peut-être, donc comme je disais tout à l'heure, au travail ou quoi, par cette journée ensoleillée. Est-ce qu'il fait grand soleil en Allemagne aussi actuellement ou pas ? Pareil, ouais, exactement pareil. Et ben voilà, super. Une belle météo pour nous écouter. Du coup, quels sont les différents messages, les différentes pensées justement que vous voulez faire passer à travers vos sons, vos chansons, vos titres ? Alors ben c'est toujours très autour de l'humain en fait, hein. Le fait qu'on ait des sentiments, tout le côté humain, et donc sous toutes ses formes en fait, à la fois l'espoir, à la fois parfois la solitude, donc tout ce qui fait de nous des êtres humains en fait. D'accord, oui, donc vos inspirations, c'est vraiment l'humain en lui-même. Ouais, c'est ça, parce que enfin finalement des sentiments assez universels, que de se dire... Par exemple, mon morceau gris, bah, c'est voilà, un lundi matin dans une cuisine où il se passe pas grand-chose, et on se dit, bon, bah, il fait gris, dehors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et en fait, qu'on partage tous, on a tous eu un jour comme ça, où on se sent comme ça, et donc moi, je le mets en musique pour dire, bah, voilà, je le mets en musique, après, c'est peut-être pas toujours le souvenir préféré de chacun, mais en même temps, si on le met en mettant en musique, on le sublime un peu, quoi, ces moments-là, et on se dit, voilà, on peut en faire... Même là, il y a quelque chose à... d'humain et donc de tout à fait universel en fait, hein. Voilà, donc D'accord, et donc ce titre que nous venons d'écouter, du coup Que Posso Fare, vous nous disiez tout à l'heure que c'était en rapport avec la crise sanitaire actuelle, ou que on se demande ce qu'on peut faire à cause de cette crise sanitaire, ou ce qu'on peut ne pas faire du coup. Et ben en fait j'ai écrit avant. D'accord. Donc c'était peut-être un peu prémonitoire, mais c'est tout à fait ça, c'est le fait de pouvoir voyager en fait, hein. Et là c'est vrai que ça a été un peu mis à mal avec la crise de cette chance qu'on a de pouvoir aller n'importe où quand on veut en Europe en tout cas, et là en ce moment c'est un peu moins le cas, et donc on se rend compte de la valeur de tout ça en fait, quoi, et donc sur ce morceau moi je parle, c'est un peu plus général, mais c'est aussi de dire voilà, que puis-je faire et que qu'est-ce qu'on peut faire en fait, et je pense qu'on aura tous cette question-là bientôt quand ce sera un peu voilà, qu'on pourra revoyager. D'accord. Donc comme vous l'avez dit, cette chanson Que Posso Fare, vous l'avez écrite avant la crise sanitaire actuelle. Donc combien de temps avez-vous mis pour réaliser cet album ? J'ai mis pas mal de temps. J'ai mis au moins, je crois, 3-4 ans. Donc, voilà, je me suis laissé du temps. Ok. Donc, je disais tout à l'heure, dans cet album, il y a 15 titres, c'est bien ça ? C'est ça. Donc, 3-4 ans, ouais, c'est vrai que ça représente pas mal de boulot, on va dire. Donc... Non, mais après, c'est vrai que j'avais accès à un studio là, à Berlin, et c'est aussi à la fois le confort, et puis en même temps de se dire, voilà, on pourra encore inviter cette personne, cette musicienne, ce musicien. Donc, finalement, on a vraiment fait l'album qu'on voulait faire. Donc, c'est de ce point de vue-là, j'ai aucun regret sur la production. Et ça, c'est quand même très agréable, ce sentiment, parce que c'est vrai que si on se presse et qu'à la fin on a un album qui nous plaît pas, ça sert à rien en fait, quoi, je me dis. Donc, c'est vrai. Donc, voilà. J'aime également beaucoup poser cette question aux artistes que je reçois donc par téléphone ou en présentiel dans nos locaux. Si certains de nos auditeurs ou certaines de nos auditrices veulent se lancer dans la musique, que leur conseilleriez-vous de faire ou de ne pas faire du coup? Il y a beaucoup d'instinct en fait, hein, de déjà d'instinct de se dire j'ai envie de faire ça, je sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille sur une scène, il faut que je chante, il faut que j'écrive. Donc ça c'est quelque chose d'irrépressible et je pense que si on l'a en soi, on le ressent. Et après, bah, être assez honnête avec soi-même, en fait, pas s'inventer quelque chose qui n'existe pas et finalement dans, amener de la tranquillité dans tout ça, parce que finalement c'est un magnifique chemin, le chemin de l'écriture, le chemin artistique, qui peut être sous toutes ses formes, hein, on n'est pas obligé d'en faire son métier. Il y a beaucoup de gens qui écrivent juste pour eux-mêmes et c'est génial en fait, parce que je pense qu'on pourrait tous, on peut tous écrire en fait quoi. Donc voilà. Donc vous arrivez à en vivre de ce métier de chanteur? Ben moi c'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir en vivre et d'avoir aussi en fait c'est au fur et à mesure des années en fait on construit quelque chose en fait tout, année après année donc c'est vraiment le résultat d'années de travail qui fait qu'on peut en vivre et on peut voilà on a la chance de pouvoir passer à la radio par exemple ce genre de choses qui sont super quoi. Oui donc il faut vraiment du travail et de la persévérance ça ne va pas arriver en trois semaines comme ça quoi. C'est ça. Bah après, il y a toujours des gens qui ont un succès fulgurant, mais il faut voir après sur le long terme si déjà ils vont bien personnellement, parce que ça, on oublie souvent d'en parler, mais c'est quand même, je trouve, l'aspect principal de la chose. Il faut être bien dans sa peau et se sentir bien, parce que sinon, ça sert à rien. Il faut être en accord avec soi-même, quoi. Donc chaque artiste a un peu son rythme de développement, et il faut, voilà, si on est un peu plus si on est indépendant, par exemple, comme moi, c'est le cas, bah, moi, je travaille avec des plus petites structures, mais en même temps, moi, ça me va très bien parce que j'ai aussi le temps de pouvoir créer, le temps de faire ce que je veux, j'ai beaucoup de liberté dans mes décisions, et voilà. Donc, D'accord, oui, donc vous n'avez pas forcément de maison de disque, vous faites tout vous-même? Bah, si, j'ai une maison de disque, mais vraiment un petit label, on a un distributeur maintenant en France, en Allemagne, physique. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une petite équipe, entre guillemets, de gens avec qui je travaille en confiance. Et ça, c'est pour moi, c'est très important de se sentir, de créer vraiment le cadre qui va bien à sa propre création. Quoi. D'accord. Donc, ce que je vous propose à 14h presque 44, c'est de nous lancer dans un dernier petit son, un titre cette fois, en allemand, et que nous écoutons Emotionen. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on s'écoute ça tout de suite? Tout à fait, Emotionen, c'est émotion en français. Très bien, donc nous allons écouter Emotionen ou émotion en français. Et du coup, on se retrouve juste après ce titre pour quelques infos locales et pour la conclusion de cette émission. Donc je vous dis à tout de suite. Emotion fliegen durch den Raum. Emotion sieht man aber kaum. Einfach auf. Emotion nimmt man halt in Kauf. Emotion. Emotion. Emotion. Emotion. Emotion. Emotion kontrolliert man nicht. Emotion so schnell wie das Licht. Emotion wie eine Karess. Emotion für dich, ma Prinzess. Emotion, mai, mai, stubalabala, mai, mai. Emotion. Retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Antoine Villoutret et son titre Emotion. Vous êtes toujours sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. Il est 14h presque 48. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Villoutret au téléphone qui est venu nous parler de son dernier album sorti le 5 février dernier, Promenade. Ça va toujours ? Très bien. Donc, je me posais une petite question en écoutant cette chanson, vu que il y a peut-être des gens qui ne parlent pas allemand. Je m'y risquerais même à dire qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ne parlent pas l'allemand. Qu'est-ce que vous racontez dans ce passage, dans les passages en allemand de cette chanson ? Eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure, sur le côté universel, humain, eh ben, c'est tout à fait ça. C'est les émotions qui peuvent, par exemple, voler, qu'on peut voir dans une pièce, voler sans trop les voir, et puis qui viennent percuter, en fait, qui nous prennent de plein fouet. C'est en fait voilà, sur toutes les émotions qui arrivent sans prévenir en fait quoi, et je m'amuse un peu de ça, de la voilà, que les émotions elles sont partout, on les attend pas, et puis elles peuvent faire très mal, et en même temps elles peuvent aussi soigner les blessures. Voilà, c'est sur les émotions. D'accord. D'ailleurs, donc vu que dans cet album il y a des chansons en français, des chansons en allemand et même un petit peu d'italien avec Che posso fare et même de l'anglais, donc dans quelle langue préférez-vous chanter en général ? C'est difficile de dire dans quelle langue on préfère chanter, mais c'est plutôt au niveau de l'écriture, c'est un petit peu différent ma façon d'écrire. Et c'est vrai qu'en français, bah, vu que c'est ma langue maternelle, je pense que j'ai plus de références en tête et d'héritage culturel aussi, donc peut-être là je prends plus de, comment dire, j'écris, voilà, la rime est très en avant, enfin c'est très, voilà, c'est très central, alors que par exemple sur l'allemand parfois je vais avoir des, peut-être voilà, une approche différente parce que bah voilà, j'ai un vocabulaire qui est certes riche mais peut-être moins riche qu'en français, donc du coup je vais essayer de dire des choses à ma manière, d'une autre façon, d'une écriture un peu différente, quoi. Peut-être moins axé sur la précision, mais plutôt sur la description. Donc voilà, c'est un peu des façons d'écrire différentes. Donc après, là, quand on chante ces chansons, ben, c'est un peu d'autres façons de manier les mots aussi, quoi. Donc pour moi, c'est très complémentaire, en fait. Voilà. D'accord. Mais c'est pas trop compliqué de trouver des rimes en allemand. Après, moi, je vous demande ça, vous parlez bien allemand, mais pour ceux qui, comme moi, ne parlent pas forcément bien, ça paraît quand même assez compliqué, non ? Ben, c'est vrai qu'en France, on connaît l'espagnol et puis on écoute aussi la musique anglaise et c'est vrai que l'allemand, beaucoup moins. Mm-hmm. Donc, c'est aussi une question d'habitude. On n'est pas du tout habitué à entendre cette langue chanter. Par exemple, ben, je sais qu'il y a Stéphane Escher qui est assez connu en France et qui a quand même, lui, il est suisse-allemand, donc il a aussi des textes. Il a sorti un album, je crois, aussi récemment où c'était en suisse-allemand aussi. Et, ben voilà, il y a quelques artistes qui le font, mais c'est vraiment très à la marge. Donc, c'est vrai que, bah, c'est rigolo, quoi, de se dire on est très peu à le faire, mais en même temps, moi, ça me fait, je trouve ça très, très intéressant, même titre que l'anglais, en fait, quoi, qu'on a des choses à, voilà, moi, ça reste quand même la chanson française, et puis après, je m'autorise d'aller chanter dans d'autres langues quand j'en ai envie, quoi, voilà. D'accord. D'ailleurs, moi, je me souviens, il y avait un groupe de musique allemand qui m'avait plutôt marqué quand j'étais un peu plus jeune. Je sais pas si vous connaissez, le groupe, c'est Die Heimatlose Helden. Je sais pas si ça vous parle. Ah non, je connais pas. Par contre, c'est bien prononcé. Ah, merci. Ouais, c'est un groupe allemand que j'avais appris ça quand j'étais encore à l'école. Donc voilà, c'était la petite question. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, vous posez la question sur c'est facile à écrire en allemand ou pas. On peut essayer, en fait, c'est ça qui est rigolo. Moi, je fais des ateliers d'écriture aussi avec des jeunes. Et on peut parfois, avec deux, trois mots, écrire un refrain ou dire, par exemple, je vous parlais du mot promenade qui se dit dans les deux langues. On peut aussi créer des choses créatives, en fait, avec assez peu de mots, en fait, quoi. Donc c'est plutôt aussi la. Je pense que plein de gens pourraient aussi aimer écrire, mais parfois ils osent pas ou ils savent pas comment commencer à écrire, même en français en fait, quoi. D'accord. Oui, donc il suffit juste de trouver le, on va dire le point de départ, et après ça peut aller tout seul avec un petit peu de pratique. Ouais, et puis s'amuser, et puis rigoler, mettre de la musique et dire quelques mots les uns après les autres, et puis voir si ça s'enchaîne bien. D'accord. Donc avant de nous quitter, il est 14h52, je vous propose de vous partager des petites infos locales, françaises du coup, car c'est important de soutenir le côté local de notre région. Donc commençons par parler d'un théâtrophone pour l'équinoxe de printemps. Donc l'équinoxe de printemps 2021 aura lieu le 21 mars. Il prendra la forme d'un théâtrophone du coup. À cette occasion, le théâtre de Verdure à Vanier fera office de centre d'appel. Les comédiens professionnels et amateurs de la compagnie vous racontent des histoires par téléphone. Le 21 mars, jour de l'équinoxe de printemps, entre 14h et 17h, notre équipe de comédiens amateurs proposeront des rendez-vous théâtraux par téléphone depuis le théâtre de Verdure à tous les spectateurs qui se seront inscrits. Ils diront à cette occasion les pièces qu'ils auront écrites à partir d'anecdotes, fictives ou réelles, basées sur des souvenirs de fêtes ou de bals populaires. Vous avez un souvenir, une anecdote, une fiction à faire partager? Envoyez tout ça à théâtrophone.leplateauivre, donc théâtrophone tout attaché sans accent, .leplateauivre tout attaché pareil, @gmail.com. Ces anecdotes seront investies lors d'ateliers d'écriture encadrés par Arnaud Mougenot et pourront être utilisées pour l'écriture de petites pièces théâtrales d'une durée de 5 à 10 minutes. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour écouter une pièce théâtrale le 21 mars, inscrivez-vous par SMS au 06 95 33 99 75 et vous devrez laisser les prénoms et adresses mail de l'interlocuteur et le nombre de personnes assistant à la pièce téléphonique. Vous devrez également choisir un créneau d'appel. Créneau numéro 1 entre 14h et 15h30 et créneau numéro 2 entre 15h30 et 17h. Je vais également partager une deuxième petite info locale avec un petit enregistrement donc réalisé il y a quelques jours dans lequel vous entendrez parler du grand concours d'affiches réalisé par la MJC des Forges à Nancy dans le cadre du festival Clap Clap. Donc on s'écoute ce petit passage de 3 minutes et on se retrouve juste après pour la conclusion du coup de l'émission. Donc à tout de suite. Une petite info locale concernant le festival Clap Clap de Nancy. Le festival Clap Clap de Nancy, qu'est-ce que c'est ? Le festival Clap Clap de Nancy est, depuis 2010, un événement culturel qui repose sur la rencontre entre l'enfant et l'image. Il se déroule à Nancy pendant les 3 dernières semaines du mois d'août, autour de plusieurs rendez-vous forts. Il contribue à développer et enrichir la démarche culturelle de la MJC Philippe Desforges en plaçant le cinéma et l'éducation à l'image au cœur de ses valeurs d'éducation populaire. Pour solidifier cette action, plusieurs partenariats ont été développés, notamment avec la salle de cinéma d'art et d'essai de proximité, les cinémas Caméo, un soutien indéfectible de cet événement, suivi par d'autres acteurs de l'éducation à l'image présents sur le territoire, comme Cravelor, Passeur d'Images, Médiathèque de Nancy, Association Banzai, etc. Étant principalement destiné au jeune public, le festival Clap Clap organise et propose de nombreuses séances, rencontres, animations, ateliers, favorisant l'accessibilité de tous, en particulier le cercle familial. Depuis 2017, un groupe d'action a été fondé par des jeunes de 13 à 17 ans attachés au festival. Ils expérimentent leurs premiers pas sur les chemins de l'engagement dans le but principal de partager leur expérience aux plus jeunes. Ce groupe d'action bénévole s'appelle les Potes âgés. La 11e édition du festival aura lieu du 9 au 28 août 2021, sorte de rétrospective des 10 éditions précédentes et s'intitulera « Le fabuleux destin du festival Clap Clap ». Elle marque le 10e anniversaire de l'événement. À l'occasion des 10 ans du festival du cinéma Clap Clap organisé par la MJC Philippe Desforges de Nancy, un grand concours d'affiches est lancé. Le créateur du visuel gagnant se verra offrir l'utilisation de son visuel pour la conception de l'affiche du 11e festival Clap Clap de Nancy. L'auteur sera crédité sur chaque support de communication sur lequel figurera le visuel gagnant. Un pass de Clap Clap 2021 avec un accès à toutes les manifestations prévues lors du festival Clap Clap, donc du 9 au 28 août 2021. Des goodies selon les arrivages 2021. Son portrait en quelques lignes avec sa photo publiée dans le programme du festival 2021. Une affiche officielle du festival en grand format et en édition limitée. A noter que le concours est gratuit et ouvert à tous, enfants, adultes, professionnels ou non, à partir de 3 ans et domiciliés sur le territoire français. Tous les types de créations sont acceptés, peinture, dessin, collage, affiches numériques, etc. Si vous aimez développer votre créativité et que vous voulez contribuer à la valorisation d'un événement culturel, vous avez jusqu'au samedi 3 avril pour faire parvenir votre création par mail, par voie postale ou à l'accueil. Celles-ci seront exposées dans la galerie Socle et Simèze de la MJC du 6 au 16 avril 2021. Un vote du public sélectionnera 10 affiches pour le vote final du jury. Voilà pour la petite info locale. Donc n'hésitez pas à participer, ça peut être très enrichissant comme, comme événement, je trouve. Donc nous sommes toujours avec Antoine Villoutret. Donc nous approchons de la fin de cette émission. Que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite ? Eh ben encore plus de chansons. Je dis que peut-être que le secteur culturel retrouve soit soutenu et que les choses reprennent leur place, quoi, qu'on puisse refaire des concerts et tout ça, quoi. Donc, du théâtre aussi, j'ai entendu tout à l'heure. Oui. Ouais. Oui, donc c'est vrai que c'est important la culture, que aussi bien pour la santé physique que même mentale. Pour on a, l'humain a besoin de se divertir, donc il faut rouvrir les lieux de culture, bien sûr, en respectant, en prenant toutes les mesures, car sinon ça sert un peu à rien. Donc voilà, il faut prendre les précautions, mais il faudra les rouvrir tôt ou tard, parce que sinon les gens risquent de devenir un petit peu fous. Donc avez-vous peut-être un dernier petit mot à 14h58? Eh ben merci à vous pour l'invitation et je suis heureux que ma musique résonne sur vos antennes, donc merci encore et puis une bonne journée à tous les auditrices et tous les auditeurs. Eh bien, très bien, le message est passé. C'est donc ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Antoine Villoutret d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous reprends au téléphone juste après hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h. Et si vous voulez, je pourrais même vous envoyer le petit podcast de l'émission, si ça vous intéresse. Avec plaisir. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai cette fois Aurélien Herkel, qui a créé le label You Man, un label unique en son genre, mais vous en saurez plus dès demain. Donc soyez au rendez-vous. En attendant, je vous laisse en musique avec Singularity de Darling Side vers 15h, à 15h même, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais Laura et Lolita, qui sont venues nous parler de l'association Arnimal. Donc rediffusion qui commencera à 18h ce soir. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo, et je vous dis à demain. Salut et à demain.